Zeno. Rachel soulève le dessus du sarcophage en faisant semblant de peiner. Plongeant une main dans la sépulture en carton, Olivia en retire une boîte plus petite, fermée par une ficelle nouée. « Un coffre ?» demande Rachel. « Il y a une inscription sur le dessus. » « Et que dit-elle ? » « Étranger, qui que tu sois, ouvre ceci et tu apprendras des choses stupéfiantes. » « Maître Diogène, » dit Rachel, « considérez le temps que ce coffre a passé au fond du tombeau. Il a résisté au passage des siècles. Tremblements de terre, inondations, incendies, et toutes ces générations qui ont vécu et se sont éteintes. Et voilà qu'à présent vous le tenez entre vos mains. » Christopher et Nathalie, dont les bras commencent à fatiguer, continuent à agiter l'étoffe de satin qui imite le brouillard. L'orgue joue sa musique. Les flocons de neige heurtent les vitres. La chaudière au sous-sol pousse des plaintes de baleines échouées. Rachel regarde Olivia et Olivia dénoue la ficelle. Elle tire de la boîte une encyclopédie désuète que Sharif a dénichée au sous-sol et peinte en doré. « C'est un livre !» Elle souffle dessus, chassant une poussière imaginaire, et Zeno, au premier rang, sourit. « Est-ce que ce livre explique, demande Rachel, comment quelqu'un a pu être homme pendant 80 ans, âne pour une année, loup de mer pour une autre, et enfin corbeau ? Voyons ça. » Olivia ouvre l'encyclopédie et l'installe sur le lutrin dressé devant la toile de fond. Nathalie et Christopher laissent tomber le voile de satin. Rachel enlève les fausses tombes et Olivia retire le sarcophage, tandis qu'Alex S., 1m35 et des cheveux dorés pareils à la crinière d'un lion, rejoint le centre de la scène, une houlette de berger à la main et un peignoir beige enfilé par-dessus son short de gymnastique. Zeno se penche en avant sur sa chaise. Sa douleur à la hanche, les bourdonnements dans son oreille gauche, les 86 années qu'il a passées sur Terre, le nombre quasi infini de décisions qui l'ont conduit jusqu'à cet instant, tout cela s'évanouit. Alex se tient seul dans la lumière du projecteur, et quand son regard se promène au-delà des rangées de sièges vides, on ne croirait jamais qu'il contemple le premier étage d'une bibliothèque d'Ekati dans une petite ville de l'Idaho. On jurerait qu'il a sous les yeux les vertes collines saignant l'antique royaume de Tyr. Sa voix est douce et un peu aiguë. « Je suis Aeton, simple berger d'Arcadie, et l'histoire que je vais vous conter est si absurde, si invraisemblable, que vous n'allez pas en croire un traître mot. Et pourtant, elle est bien vraie. Moi, que l'on traite de bécasse et d'écervelé, Aeton le bonnet et la tête de linotte, j'ai voyagé autrefois jusqu'aux confins de la terre et au-delà. » Vers les portes étincelantes de la cité des nuages et des oiseaux, là où nul ne manque de rien, et où un livre contenant tous les savoirs. Du rez-de-chaussée monte un grand bang, que Zeno trouve très semblable à un coup de feu. Rachel lâche une de ses tombes en carton. Olivia tressaille. Christopher se baisse brusquement. La musique continue de jouer. Les nuages se tordent au bout de leur fil. La main de Nathalie reste suspendue au-dessus du clavier. Un deuxième bang se répercute à travers le plancher, et la peur, tel un long doigt noir, se déplace dans la salle pour venir toucher Zeno sur sa chaise. Sous le faisceau du projecteur, Alex se mord la lèvre inférieure et coule un regard vers le vieil homme. Une seconde, puis deux. Il se peut que votre grand-mère éternue dans la salle, qu'un bébé pleure, ou que l'un de vous oublie son texte. Mais quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer. Alex continue, reportant son regard au-dessus des sièges vides. « Mais d'abord, commençons par le commencement. » Nathalie change de musique. Christopher fait passer l'éclairage du blanc au vert, et Rachel monte sur scène en portant 3 moutons en carton.